Audi Financial Services, Orez et Duvel. Bienvenue sur Vivacité, il est 11h. Et on accueille Justine Hermans pour les informations. Bonjour Justine. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. 2015, une année noire pour le réchauffement climatique. La température moyenne de la planète n'a jamais été aussi haute. C'est la conclusion d'un rapport international. La montée des océans et les émissions de gaz à effet de serre dépassent tous les seuils enregistrés jusqu'à présent. Et ça ne risque pas de s'arranger en 2016, puisque les 6 premiers mois de cette année battent déjà des records. En Indonésie, 2 volcans perturbent le trafic aérien. Ils sont entrés en éruption ces derniers jours. 2 aéroports ont dû fermer. De nombreux vols ont été annulés, notamment à destination de l'île de Bali, très touristique. Pour la population, aucune évacuation n'est prévue. Les éruptions ne semblent pas la menacer. L'Indonésie compte au total 129 volcans actifs sur son territoire. Le Burundi refuse le déploiement de 228 policiers de l'ONU sur son sol. Le pays rejette en fait une résolution donc des Nations Unies à l'initiative de la France. Le déploiement devait être progressif pour tenter de ramener le calme au Burundi et de faire respecter les droits de l'homme. Selon le porte-parole du pays, l'envoi de policiers de l'ONU violerait les règles élémentaires régissant la famille des Nations Unies et surtout la souveraineté du Burundi. J-2 avant le début des Jeux Olympiques. En tennis, l'Espagnol Rafael Nadal sera sur tous les fronts. Il jouera en simple, en double et en double mixte. Sa participation aux JO restait incertaine jusqu'à présent en raison d'une blessure qu'il avait tenue loin des circuits depuis Roland-Garros à la fin du mois de mai. Plus que 2 jours donc avant la cérémonie d'ouverture de ces Jeux de Rio, Ban Ki-moon, le secrétaire général des Nations Unies, sera un des porteurs de la flamme olympique pour le lancement des JO, une tradition. La météo, elle, ne change pas. Le temps gris est maussade aujourd'hui, avec souvent de la pluie. Sur la côte, le temps pourra devenir généralement sec au cours de l'après-midi. Le mercure, lui, ne dépassera pas les 19 degrés. Pas de quoi donc déjà remettre la chaudière en route, mais peut-être de remplir la cuve à mazout. Le prix du gasoil est en baisse à partir de demain, selon l'administration de l'énergie. Moins 3,15 centimes d'euros le litre. Un point sur vos conditions de circulation avec Antoine Binamé et il y a un accident sur la E411. Oui, qui relie Bruxelles à Namur. Je vois à l'instant qu'il vient d'être dégagé à hauteur de Louvain-la-Neuve, mais on perd toujours une bonne vingtaine de minutes sur 3 km depuis Wavre. C'est en direction de Namur. Accident sur l'E19 Valenciennes-Bruxelles à hauteur d'Avray. Entrave inconnue, une équipe de police se rend sur place. C'est donc vers Bruxelles. Accident sur le 40 Bruxelles-Gand au niveau d'Herpemer. Bande de droite neutralisée. Des files, bien sûr. Des files où vous perdez une trentaine de minutes et des répercussions sur la N9 depuis Wetteren où vous perdez 30 minutes là aussi en direction d'Ostende. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Et c'est un air de vacances sur Vivacité avec vous Stéphane Piedbeuf. Oui, tout à fait. Et je ne sais pas si vous aimez les princesses et les dragons, Justine. Les princesses et les dragons, peut-être quand j'étais plus petite fille, on va dire. Ben vous allez retomber en enfance. Restez à l'écoute car un super cadeau aujourd'hui, on va vous emmener au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. En plus, c'est une belle région. Et on vous retrouvera tout à l'heure à midi pour le prochain point sur l'actualité. À tout à l'heure. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Mais bien sûr qu'on va vous apporter le soleil dans cette émission jusqu'à 13h. D'ailleurs, je vais appeler Marie-Pierre Moulignot qui présente la météo bien sûr sur la Une tout à l'heure dans les People en vacances à 11h30. Elle, à mon avis, elle va nous apporter plein de soleil. Et c'est sûr, il sera de retour demain, le soleil. Et ça va nous faire du bien dans les People en vacances. Il y aura aussi le chanteur bruxellois Marca qui nous parlera de ses vacances. Et puis donc ce fabuleux cadeau que vous allez gagner dans quelques instants. Le Labyrinthe 2016 à Barvaux-sur Ourthe. Le thème, c'est donc la princesse et le dragon. C'est une histoire. Vous allez vous balader dans un champ gigantesque qui est complètement génial. La météo des plages et des vacances avec Caroline Gillet. Vous pouvez lui demander la météo via vivacité.be. Et puis des tubes de l'été, des tubes en puissance encore une fois. On en parle juste après Kungs. Voici This Girl. Un air de vacances sur Vivacité. Bien sûr, c'est dans le tip-top. Kungs, un des tubes de cet été, This Girl sur Vivacité. Ah, ça, c'est le tube de l'été que nous écouterons tout à l'heure. Ce sera Richie et Poveri avec Sarah Perquet. Thiago, c'est sympa quand même. Hein. Ça me donne envie d'une pizza, moi. À 11h08, il peut tôt, non, manger italien. Bah, quoique, il n'y a pas que les pizzas en Italie. On mange de délicieuses choses bio, d'ailleurs, là-bas. Bon, bref, on parlera de ça tout à l'heure parce que tout de suite, on va parler cadeaux. Hein. Un air de vacances sur Vivacité. Et encore une fois, c'est un cadeau très sympa. Direction le Labyrinthe, une sublime région. C'est à deux pas de Durbuy, c'est à Barvaux-sur-Ourthe. Et on vous offre carrément le pass familial pour deux adultes, deux enfants. Direction donc ce thème, princesse et dragon, le thème de l'année 2016. Alors si vous souhaitez profiter d'une journée inoubliable en famille là-bas, au Labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe, eh bien c'est maintenant qu'il faut prendre votre GSM. Envoyez un SMS au 6003. Ça vous coûte 75 centimes d'euros l'envoi de message. Donc au 6003. Mais attention, c'est encore une fois un jeu compliqué. Eh oui, il va falloir identifier un artiste. Attention, même pas le titre. Hein. L'artiste, on veut l'interprète d'une chanson à partir d'une seule seconde de son œuvre. Et cette seconde, la voici, écoutez. Ouais, ça c'est franchement dur les gars. Hein. Sérieux, je sais pas qui va trouver. Parce que là, hier c'était une demi-seconde, là c'est... Waouh, c'est difficile. Hein. On peut réécouter une fois ? Est-ce que quelqu'un va trouver cette chanson? Ça, c'est la grande question, on va voir. 60-03 par SMS, destination donc le sublime labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. Et dans quelques instants, notre tout premier tube de l'été, ouais, ce sera un joueur de tennis, mais qui est devenu chanteur. Dans un monde qui change, il est temps d'investir durablement. Savez-vous qu'un investissement durable peut donner plus d'impact à votre argent? Un impact financier. Car pour BNP Paribas Fortis Private Banking, un tel investissement peut se montrer aussi rentable qu'un investissement traditionnel. Mais aussi un impact social et écologique. Car les entreprises dans lesquelles vous investissez ont une politique éthique et respectueuse de l'environnement. Contactez votre private banker chez BNP Paribas Fortis ou surfez sur investirpourdemain.be. BNP Paribas Fortis, la banque d'un monde qui change. Loto présente le mois de Waouh. Le mois d'août, mais en plus waouh. Avec chaque semaine, un mercredi. Et chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Besoin de stores décoratifs, protection solaire ou encore teinture et papier peint? Allez chez Déco et Nuances à Herve, spécialiste en aménagement et décoration d'intérieur. Déco et Nuances, Outrecours 118 à Herve Bâtisse. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. La 2 en télé. Ruben est resté jeune. C'est en compagnie d'amis humoristes qu'il présente son dernier spectacle. Moi, je roule en 4x4, je nique la couche d'ozone, mais à côté de ça, je consomme bio. Ruben fête ses 25 ans sur scène ce jeudi soir sur la 2. Jusqu'à 13h, Vivacité a un air de vacances. Saga Africa, ambiance de la Et à 11h11, c'est l'ex-star du tennis français que nous allons écouter avec Saga Africa. Contre toute attente, il se lance dans la chanson dans les années 90, au début, hein, en 1991, et il publie ce titre qui figure sur son premier album Black and White, associé à une danse particulière, vous vous en souvenez, en forme de chenille africaine. Le morceau devient le tube de l'été et les paroles signées Yannick Noah sont un mélange de français et d'expressions camerounaises et incluent un hommage aux footballeurs camerounais dont le célèbre Roger Mila. Saga Africa, voici Yannick Noah sur Vivacité, notre tout premier tube de l'été, très ensoleillé. Type là, ouais ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance et ambiance, sous-pousse, ambiance, Makossa ou l'ambiance du Bikutsi, ambiance, Asiko, mouvement, partout, et mouvement, droite, mouvement à gauche, roulement de Pecos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mon. Yannick Noah pour Riado Cameroun avec les lions indomptables. Donc chrono dégage, suppositoire de l'attaque adverse. Dégagement multidirectionnel, donc chrono. Les défenseurs voient complètement flash. François Omambi, Amochi, Église Insola, Dieu Zola et lance Mila. Au bombe de Mila, dribble là-bas, un dribble sorti du droit de laboratoire footballistique des Toulis. L'affaire est grave, il tire au goal, il y est. Et tous les tubes de l'été Vivacité sont sur vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances et tout à l'heure il y aura Richie et Poveri. C'est culte. Et si vous voulez prendre de l'avance et voir le clip d'époque, eh bien, il est sur vivacité.be. Le rendez-vous est pris aux alentours de 11h10. On va appeler Caroline Gillet pour la météo des plages et de vos vacances. Juste après l'homme d'Astafor sur Viva, ce sera Francis Cabrel dans quelques secondes, le pays d'à côté. Un air de vacances sur Vivacité. Caroline est là ? Déjà ? Ah bah c'est... Non ? Mais comment il culpabilise. J'adore. Ah oui, je pensais pas qu'on allait faire ça maintenant. Non, en fait, vu que c'était assez difficile de trouver sur une seconde l'extrait pour vous permettre de partir au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe, ils ont rajouté une deuxième seconde, oui, parce que c'est vrai que d'après les premiers SMS, vous n'êtes pas très nombreux à avoir la bonne réponse, et vous partez un peu dans tous les sens. Hein. C'est pas Florent Pagny, c'est pas Michel Jonas, je vais pas vous dire tous les artistes que vous me citez, mais j'ai l'impression que vous êtes en train de m'envoyer toute la discothèque de Vivacité. Donc on a rajouté une deuxième seconde hein, pour vous aider un petit peu à trouver la bonne réponse. Écoutez. Voilà. Bon, allez, ça c'est peut-être un peu plus jouable. Quoique, il faut connaître le morceau évidemment. Si vous l'avez, eh bien c'est 60-03 par SMS pour 75 centimes, 60-03, et vous irez en famille au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe. Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui... avec tout défiguré, chaque ville entourée par son cortège de hangars, ses parkings alignés. Les autoroutes étaient pleines de camions en file indienne, de convois bloqués au péage. On se parlait presque pas et chacun pressait le pas. Son écran au ras du visage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. On séparait par croyance les leçons d'autodéfense, les rues interdites d'entrée, la fumée ou le brouillard. Impossible de savoir, chaque soir plus épais. On noyait dans du plastique des repas automatiques que la mer rejetait sur les plages. Braves gens dignitaires, tout le monde laissait faire par profit ou manque de courage. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Pieds bousculés des moutons qui s'affolent. Le berger à genoux qui cherche la boussole. Et les loups affamés qui attendent au grillage. Tombés juste au milieu de la cour d'une école. L'arc-en-ciel démonté qui traîne sur le sol. Et tout le monde croit à des enfantillages. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Quand la terre se fendit, c'était sous le règne des bandits qui, avait bien prévu le coup. Bien tirer la couverture, profiter de la nature. Disparu, on ne sait où. Sous les casques et les enceintes, des télés jamais éteintes tournaient le même message. Pardon de le répéter, mais y a pas lieu de s'inquiéter. Le pays d'à côté est couvert de nuages. Pas lieu de s'inquiéter, c'est le pays d'à côté. Le pays d'à côté qui est couvert de nuages. Et avant de visiter le pays d'à côté, eh bien nous allons prendre la direction de notre littoral. C'est le moment de vous accueillir, Caroline Gillet, pour la météo des plages et de vos vacances. Allez, encore un petit peu de patience hein, pour profiter des joies de notre côte belge. Caroline, bonjour. Bonjour Stéphane. Et oui, encore un tout petit peu de patience. Une amélioration est en vue pour les prochains jours. On attend même un assez bon week-end. En attendant, aujourd'hui, même si un petit rayon de soleil pourra s'échapper furtivement des nuages, le temps ne sera pas vraiment à la bronzette. On attend 20 degrés sur les plages, pas plus pour cet après-midi avec un vent bien sensible. L'eau va rester fraîche et puis de toute façon, la baignade va être déconseillée puisqu'on a hissé le drapeau orange partout. Marie de Saint-Hubert nous a envoyé un SMS afin de demander la météo à Barcelone pour les prochains jours, Caroline. Eh bien Marie, vous allez voir, Saint-Hubert, c'est déjà très joli, mais Barcelone, c'est vraiment une ville magnifique et encore plus sous le soleil. Ça tombe bien, du soleil, vous allez en avoir à volonté avec des températures qui vont varier de 27 à 29 degrés. Un beau ciel bleu et du soleil jusqu'en fin de semaine prochaine. Là, le ciel se couvrira, mais ça ne durera qu'un jour ou deux. Eh ben, c'est parfait. Merci Caroline. Et puis, bonnes vacances à vous, Marie de Saint-Hubert, qui allait partir. N'hésitez pas à faire comme elle, d'ailleurs, hein, comme Marie. Vous pouvez demander la météo de votre lieu de vacances, soit par SMS au 3063, ça coûte un demi-euro. Et si vous voulez le faire gratos, eh bien, vous passez par vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances, le formulaire de contact, et ça arrive directement dans la boîte mail de Caroline Gillet. Dans un instant, une chanson magnifique d'un groupe terrible. Ce sera Police avec Soul Only. Et juste après, je vous promets qu'on va l'appeler. Marie-Pierre Moulignot sera en direct sur Vivacité dans les People en vacances. Il y aura également la chanson de Souffre. C'est nouveau, ça s'appelle Mi Amor. Restez avec nous. Forestia. Aventure au cœur de la forêt. Forestia.be. Dites les amis, un petit conseil entre nous, si vous voulez pédaler avec nous samedi, préinscrivez-vous sur rtbf.be/lebeauvélo. Vous gagnerez du temps et peut-être une bicyclette en BA. Et si l'épargne était réinvestie à 100% dans l'économie wallonne? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Moi j'aime le barbecue parce que quand c'est le barbecue, c'est moi qui cuisine. Ah ben c'est madame qui va être contente alors. Et si vous voulez lui faire encore plus plaisir, préparez-lui nos délicieuses petites côtes de porc. Là c'est sûr, vous aurez la côte. Jusqu'à mardi chez Carrefour Market, le second pack de nos délicieuses petites côtes américaines barbecue spicy au miel est à moitié prix. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. 11h, 13h, un air de vacances sur Vivacité. Mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie que j'ai choisi de t'aimer. J'aimerais que tu reviennes, tu reviennes. Tu sais, je ne suis qu'un homme, des erreurs j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie, tu as le plus beau des chats. T'avais raison, c'est comme ça que je t'aime. Mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, j'étais ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille et dans la nuit, je vois que tu souffres. Je t'en prie, tu as le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Chanson à texte, hein. Mi amor, por favor, mais ça marche, hein. C'est ça les tubes de l'été, sauf été sur Vivacité. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Et dans les people en vacances, il y a Marie-Pierre Mouniot. Quel bonheur de vous accueillir, Marie-Pierre, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Comment ça va Marie-Pierre? Mais écoutez, ça va comme une journée de vacances sous la pluie. Enfin, je ne suis pas vraiment en vacances, je suis sur la route dans les embouteillages, mais c'est vrai qu'il fait particulièrement mauvais. Je vous le confirme, Stéphane. Ah, effectivement, il fait moche, mais ça va s'améliorer à partir de demain. Donc, c'est bien, on se réjouit. Marie-Pierre, vous êtes partie, vous partez cet été? Non, alors je ne pars pas, j'ai pris quelques jours de vacances, mais c'est vrai que j'en ai profité pour remettre un peu d'ordre dans la maison. On n'a pas toujours le temps de le faire pendant l'année, et puis pour faire le jardin, faire ce que j'aime aussi, monter à cheval. Bon, peut-être que je partirai quelques jours en automne, je ne sais pas, alors je choisirai sans doute le soleil, l'Espagne, l'Andalousie. J'adore aller monter à cheval aussi en Andalousie, j'y ai des amis, donc voilà. C'est top. Quel a été votre meilleur souvenir de vacances jusqu'ici? Est-ce qu'il y en a un? Alors, le meilleur souvenir de vacances jusqu'ici, eh bien, ce sont justement les vacances en Espagne avec les amis cavaliers, les entraînements à cheval, les balades le long de l'Atlantique aussi, parce que j'étais notamment dans un endroit qui s'appelle Verrer de la Frontera, qui est un petit village tout à fait magnifique. C'est la campagne, c'est un petit peu la montagne aussi, parce que c'est un rien en altitude, et puis c'est à 10 minutes de l'Atlantique, où on a des plages immenses, où c'est un petit côté sauvage. C'est peut-être un peu plus sauvage que la Méditerranée aussi, et c'est vrai que j'adore aller là. Êtes-vous plutôt, Marie-Pierre Moulignot, camping ou hôtel? Alors, je suis plutôt camping. Ah bon, chambre d'hôte. J'aime beaucoup les chambres d'hôtes. Okay. Les campings, j'ai pas besoin d'avoir vraiment du luxe. Ça, non, c'est pas nécessaire. Okay. J'aime bien les randonnées aussi. J'étais scout quand même dans ma vie. Donc, oui, voilà. Vous connaissez la feuillée alors. Je connais la feuillée, je connais les brelages. J'ai d'excellents souvenirs. Et l'année dernière d'ailleurs, on a fait pour quel temps un reportage dans un camp scout, et ça m'a rappelé plein de choses. Tiens, c'est quoi votre totem scout à vous, Marie-Pierre? Fennec. Fennec. Et le cali, c'est très banal, c'est amical. Amical. Oh, voilà, donc, bah c'est génial. C'est d'une banalité affligeante. Enfin, bon, voilà. Bon. C'est comme ça. Alors, la météo, bah, forcément, c'est le sujet qui vous concerne. Quelle est votre météo idéale pour vos vacances? Alors, la météo idéale des vacances, c'est du soleil, une petite brise, histoire de rafraîchir un petit peu, 25 degrés, éventuellement quelques gouttes de pluie, parce qu'on en a besoin aussi, mais uniquement pendant la nuit, vous voyez, juste quand on sort, là, entre minuit et 8 heures du matin, il peut pleuvoir. D'accord. Sinon, j'ai envie qu'il fasse beau. Super. Est-ce que vous avez un apéro, un cocktail favori pendant l'été? Non, pas spécialement. Je ne suis pas très boisson alcoolisée. Bon, si je dois en choisir quand même un... le mojito peut-être, bah oui, classique, hein, oui, mais enfin bon, sinon un bon verre de jus de pomme bio, c'est bien aussi. Oui. Ah, ça c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Et en plus, c'est plein de vitamines. Quel est votre plat préféré pendant l'été? Le plat préféré pendant l'été, barbecue peut-être ou plancha. J'aime la plancha, c'est bon ça. La plancha, oui, ça j'aime beaucoup. La glace plutôt fraise, vanille, chocolat. Glace banane, chocolat. Banane. Oui, banane, chocolat. Oui. Banane et chocolat. Bon, on vous mettra deux boules, mais c'est parce que c'est vous, Marie-Pierre Moulinho. Hein. D'accord. Bon. Dans quel endroit vous sentez-vous vraiment en vacances chez nous en Belgique? Dans mon jardin. Alors, oui. Dans votre dans mon jardin. Jardin, ça, je me sens quand même un petit peu en vacances, surtout quand il fait beau. Aujourd'hui, c'est un temps à ne pas mettre un présentateur météo dehors. Non, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, je pense que c'est aussi le jour où il ne faut pas aller faire les courses pour vous parce qu'on risque de vous demander, mais vous avez vu, hein, quel temps? Mais c'est quoi ce temps? Et quand est-ce que le soleil va revenir? Voilà. Vous n'avez pas honte d'annoncer de la pluie ici? J'ai un petit peu honte, là. Franchement, tous les jours, je me dis, c'est pas possible, on a l'impression que l'été est pourri. C'est peut-être qu'une impression. On verra les statistiques en automne. Hein. C'est sûr. Allez, pour terminer, Marie-Pierre, votre station balnéaire préférée chez nous en Belgique? Écoutez, je dirais, y a un endroit qui se trouve entre Nieuport et Oost-Dunkerque qui s'appelle le Groenendijk. Mmh. Et c'est là qu'on a passé toute notre enfance avec mes frères, mes sœurs, mes cousins. C'est là que ma grand-mère, que j'adorais, avait un appartement. Donc on y allait un mois en général, en vacances, chez bonne maman ou avec les parents. Et j'ai des souvenirs extraordinaires. D'ailleurs, j'y suis aussi retournée cet été parce que ma grand-mère est décédée il y a quelques années, mais j'y suis retournée pour faire un reportage notamment sur le kitesurf et sur l'estacade de Nieuport. Et là aussi, vraiment plein de souvenirs. Hein, souvenirs de vacances extraordinaires en famille où mon père, qui était un grand sportif, avait acheté un filet de volet. Et puis avec les jeunes... presque de toute la plage, en tout cas des appartements voisins, on faisait des parties de volley et on faisait aussi avec mes frères, parce que j'avais deux frères et une sœur aussi, mais on faisait avec les garçons, vous savez, les petits coureurs cyclistes avec les billes, donc pendant le Tour de France, oui, juste avant les billes sur les rayons qui font du bruit, c'est ça? Oui. Quand on jouait, on faisait des petits parcours dans le sable et on jouait à ça. C'est ou alors on faisait des parties de football avec les garçons aussi. Top ça. Moi je mettais les cartes dans les rayons. Vous savez, les cartes à jouer avec des pinces à linge. Ça faisait du bruit aussi là. C'était génial. Hein, oui. Donc vous voyez, on a plein de beaux souvenirs comme ça et on avait des vacances assez dynamiques. Moi j'aime pas trop, vous voyez, rester sur la plage à ne rien faire. Il faut que ça bouge. Hein. Il faut que. Oui, on a bien compris. Qu'on fasse de la randonnée, qu'on fasse du cheval, qu'on fasse des choses. Eh ben super. Voilà. Bon, Marie-Pierre, on vous souhaite évidemment de bonnes vacances en automne. En attendant, on vous voit sur la une dans la météo. Et puis, c'est vrai, vous l'avez dit, vous réalisez aussi des reportages pour l'émission Quel temps, qui passe tous les jours, juste après les feux de l'amour sur la une. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Gros bonne bisous, Marie-Pierre. À bientôt. Au revoir. Gros bisous. Bonne journée malgré la pluie. Marie-Pierre nous l'a dit, elle était coincée dans les embouteillages. C'est peut-être aussi votre cas. On va faire le point sur vos conditions de circulation tout de suite avec vous, Antoine Binamé. Avec pas mal de choses, un accident sur le 19 Valenciennes-Bruxelles à hauteur d'Avray. Bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisé vers Bruxelles. Sur le ring de cette capitale, un accident s'est produit. C'est en circulation extérieure à hauteur de Zaventem. Bande de gauche neutralisée vers Grand-Bigard. Accident quand vous quittez Bruxelles via le 40 au niveau d'Herpemer et donc des ralentissements qui s'ajoutent aux travaux. Vous perdez actuellement 25 minutes vers Ostende avec des répercussions sur la N9 juste juste à côté, donc au niveau de Wetteren, 35 minutes perdues vers Ostende. Accident aussi sur le 19, Bruxelles-Mons à hauteur d'Aubourg, bande de gauche neutralisée vers Mons, et puis des chaussées inondées sur le ring 9 de Charleroi dans le tunnel Yerno. La bretelle venant de Namur est fermée à la circulation jusqu'aujourd'hui 16h, déviation mise en place, mais aussi sur la N25, Corbet-Nivelles à hauteur de Bouzeval. C'est en direction de Nivelles, chaussée inondée à cet endroit-là. Di, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini format, premier soin. Tout est chez Di. Di, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Ça, c'est de la musique. Police Été sur Vivacité avec So Lonely. L'été du bon côté sur Vivacité. Avec Émilie de Kegel qui a les mains levées. Ah, quand on dit police. Oh les mains. Oh les mains. D'accord. Oh les mains, vous êtes cernée. Comment ça va, Émilie? Bah, je suis cernée, effectivement. Un petit peu de fatigue avec ce temps. Quand même. On ne sait plus quoi faire. Mais ça va s'améliorer demain. Je passe ma journée à dire ça. Ouais, vivement demain. Demain est un autre jour. Mais on va déjà s'attaquer à cette journée-ci. On va parler de sport, Stéphane. Donc, dès 13h dans l'été du bon côté. C'est mais génial, ça, le sport, c'est bien. Alors, c'est très très bien. Encore faut-il bien choisir son sport. Alors, en tant qu'adulte, on connaît un petit peu nos envies, nos demandes, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais la difficulté, c'est de bien choisir le sport pour son enfant. Ah, oui. Alors, il y a des stages de sport qui sont organisés un petit peu partout en Belgique. On va en parler cet après-midi avec notre invité qui s'appelle Fabien et qui travaille pour l'ADEPS, donc c'est déjà une alternative. Ils sont sympas, ils sont sur le beau vélo de Ravel à chaque fois. En plus, il y a des initiations très sympathiques de l'ADEPS. Voilà. Donc c'est l'occasion d'eux. Alors il y a des stages effectivement qui proposent plein d'activités. Et puis à la rentrée, mettre son enfant dans une activité sportive, c'est bien. Mais comment faire? Est-ce qu'il faut le forcer un peu ou pas, selon ses aptitudes, ses peurs? Est-ce qu'il fait, il aime bien travailler en équipe ou pas? Enfin voilà. Bref, on va essayer de voir un petit peu quels sont les bons plans et les bonnes astuces pour se mettre au sport, peut-être de manière familiale aussi, pourquoi pas. Ouais. Ce sera à partir de 13h dans l'été du bon côté. Et dès maintenant, si vous le souhaitez, via la page Facebook de l'émission ou encore par SMS au 3063. Pour 55 cents, le message. Voilà. Hein. Vous revenez tout à l'heure, un petit peu avant 13h, parce que vous avez un défi. Hein. On vous a demandé de trouver... Enfin, c'est hier, vous avez suggéré de trouver le top 3 des tubes de l'été du Groenland. Exactement. Vous avez trouvé? Oui. Il y a de la musique au Groenland? Ben, mais il y a de la musique partout. Ouais. Il y a de la musique partout. Eh ben, je me réjouis de vous écouter. Vous allez être très surpris. Ah oui. Et vous connaissez en plus. Non. Si, vous connaissez. Ah bon? Vous connaissez celui-là? Chris Cab. Ouais, Chris Cab. Oui. Ça fait Badabing. Et c'est maintenant sur Vivacité avant d'accueillir Emmanuel Moir et aussi Aurore Celsano pour la séquence Conso. Belle matinée. Friday night when I'm way too long. I woke up in a stranger's home. Shots of De Leon. You know that girl really turned me on. So the morning.

et la fièvre coulait sur ma peau. Dans ton lit, je suis tombée à la renverse. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré, la main sur le cœur, de ne rien te promettre. Mon ami, mon amour. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré, la main sur le cœur, de ne rien te promettre. Mon ami, mon amour, mon amant, j'ai juré. Le titre Dénudé de Jennifer, Paradis secret, était sur Vivacité. Dans 10 minutes, ce sera la pause midi pour ceux qui bossent. Et puis pour les autres, peut-être seulement l'heure de l'apéro. Si vous êtes en vacances, dans les campings par exemple, on nous écoute aussi. Et c'est la séquence conso de Aurore Salsano qui arrive. Jusqu'à 13h, un air de vacances sur Vivacité. Et vous allez peut-être profiter de cet été pour installer, si ce n'est déjà fait, un bac à sable pour les enfants. Chouette idée, mais quel modèle choisir? Là, on s'adresse évidemment à ceux qui comptent installer un bac à sable et qui ne l'ont pas encore fait. Et à quoi faut-il être attentif? Eh bien, la réponse, c'est avec vous, Aurore Salsano. On peut classer les bacs à sable en deux catégories, les modèles en plastique et les modèles en bois. Le plastique a l'avantage d'être prêt à l'emploi, il suffit de poser ces bacs à sable au jardin, les remplir de sable et l'affaire est dans le sac. La plupart du temps, il dispose aussi d'un couvercle indispensable pour que le sable reste propre longtemps. Le plastique est aussi léger, donc facilement transportable, en tout cas vide, et les prix commencent à quelques dizaines d'euros. Le hic, c'est que ces modèles ne sont pas faits pour durer des années, ils se décolorent facilement et craquent sous l'effet des différences de température. Si vous voulez que vos enfants en profitent quelques années, optez plutôt pour le bois. Il existe des bacs en kit à monter soi-même, ça commence déjà à 50 euros. Mais vous pouvez aussi décider de vous débrouiller tout seul et d'en construire aux dimensions que vous souhaitez. Vous pouvez aussi creuser le bac dans le sol. Dans ce cas, vous n'oublierez pas de placer une couche de géotextile sur le fond pour éviter que les mauvaises herbes et les petites bêtes n'envahissent le sable notamment. N'oubliez pas qu'un bac à sable en bois doit être entretenu, il devra être repeint régulièrement. Quel que soit le modèle choisi, il faut compter une profondeur de sable de 20 à 30 cm. Si vous aimez aussi la récup, vous pourrez par exemple bricoler un immense pneu de tracteur ou une barque pour un bac à sable tout à fait original pour le plus grand plaisir de vos enfants. Maintenant que vous savez tout sur le contenant, place au contenu. Que choisir comme sable? De préférence, prenez du sable blanc de rivière. Le jaune coûte moins cher, mais trop salissant. Le sable blanc se vend sous forme de sacs de 25 kg à l'état brut dans les magasins de bricolage ou de 15 kg dans sa forme traitée, plus adaptée encore au bac à sable et vendu d'ailleurs dans les mêmes rayons que ces derniers. Enfin, n'oubliez pas que vos enfants doivent aussi être à l'abri du soleil quand ils jouent. Si aucune infrastructure n'est prévue, vous ferez appel au bon vieux parasol. Effectivement, merci beaucoup Aurore Salsano. Voici Renaud sur Vivacité. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot et bon bec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à un franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques. Pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Et entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les frères aux doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants.

Les températures les plus chaudes, la hausse du niveau des mers, de plus en plus d'inondations, des sécheresses deux fois plus importantes. Ce sont les tristes records de 2015 pour le climat, selon un rapport rédigé par 450 scientifiques du monde entier. La pire année depuis que les données sont répertoriées et les six premiers mois de 2016 ne sont pas bons non plus. Ils ont tous battu le record du mois le plus chaud de six mauvais résultats, c'est à cause de deux effets combinés. Hugues Gauss, climatologue à l'UCL. Le premier effet, c'est le réchauffement climatique dû aux activités humaines qui donne une tendance à long terme au réchauffement. Donc chaque année tend à être plus chaude, plus on avance dans le temps. Mais en plus de ça, il y a des fluctuations naturelles avec des années naturellement chaudes et des années naturellement froides. Et celle-ci est naturellement très chaude à cause du phénomène El Niño, donc qui est un phénomène qui prend son origine dans le Pacifique et qui entraîne un réchauffement dans la plupart des régions. On a atteint la température la plus élevée jamais mesurée. C'est aussi une année où le niveau des mers a augmenté particulièrement fort. Donc quand l'océan se réchauffe, il se dilate, le niveau des mers augmente. C'est aussi une année où on a eu beaucoup de sécheresse. C'est une année où les glaciers de montagne ont fondu particulièrement fort aussi. C'est beaucoup de phénomènes qui se sont superposés. C'était Hugues Gauss, climatologue à l'UCL, interrogé par Yasmina Favaro. À l'étranger, un avion de la compagnie Emirates a raté son atterrissage à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis aujourd'hui. Un incendie s'est déclenché. Heureusement, aucun passager n'est blessé et ils ont tous à présent été évacués. Si vous êtes en vacances, c'est l'heure de l'apéro, vous êtes peut-être déjà en train de le prendre, alors avec un verre de vin, pourquoi pas. Êtes-vous plutôt bouteille ou cubi? C'est tout un débat. Aujourd'hui, en Belgique, près de 20% des vins sont vendus dans ces bibs ou ces bags in box, soit ces cartons qui contiennent des poches en plastique. De nombreux vendeurs les proposent à présent, aussi bien dans les grandes surfaces que chez les cavistes. Des magasins en ont d'ailleurs fait leur spécialité. Les détails avec Dominique Delal et Jean-Marc Verzet. Du vin, rien que du vin, mais pas de bouteilles, uniquement ces cartons superposés ou serrés les uns contre les autres. Nous, on a voulu se différencier et expliquer aux gens que l'on peut, dans ce format qu'est le bib, mettre des vins de qualité. Nous sommes dans une enseigne dédiée à ces bibs essentiellement d'origine française. Jean-Louis Thieblemont lance un défi. On peut faire des dégustations à l'aveugle, il n'y a aucune différence entre le vin en bouteille ou le vin en bib. Non, c'est exactement le même. Est-ce vrai pour tous les domaines? Xavier Hyde est un sommelier expérimenté, il en doute. Il est clair que des propriétaires qui font des volumes énormes, qui doivent vendre, qui ont des grosses structures, vont mettre une qualité différente en cubique qu'en bouteille. Souvent, ce sont des vins génériques ou issus de jeunes vignes. Pour autant, Xavier Hyde ne les dédaigne pas. Si le vin est bien fait, je pense qu'il faut laisser aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens d'acheter des vins d'un certain niveau de prix, de pouvoir profiter du vin également. Mais j'ai rarement goûté des cubis qui m'ont fait faire des cumulés, quoi. Voilà, donc bouteille ou cubi, à vous de choisir. Un mot de sport en football. Anderlecht monte sur le terrain ce soir pour tenter de poursuivre l'aventure européenne. Les Mauves affrontent les Russes de Rostov pour le troisième tour préliminaire retour de la Ligue des Champions. À l'aller, les deux équipes avaient partagé l'enjeu, 2-2. En cas de victoire ce soir, Anderlecht ira en barrage de la Ligue des Champions. En cas de défaite, l'aventure européenne sera déjà terminée. RTBF Mobile Info, avec vous Antoine Binamé, et il y a un accident sur la E42. Oui, qui relie Mons à Namur, peu avant Fleurus, bande de gauche et berme centrale neutralisée en direction de Namur. Accident sur l'E19 Valenciennes Bruxelles à hauteur d'Avray, bande de droite et d'arrêt d'urgence neutralisée vers Bruxelles. Accident sur le 40 Bruxelles Gand à hauteur d'Herpomer, on perd actuellement 25 minutes sur le 40, et puis des répercussions sur la N9 entre Wetteren et Mel, vous perdez 35 minutes. Un accident également sur l'E19 Bruxelles Mons à hauteur d'Aubourg, bande de gauche neutralisée vers Mons. Et puis des chaussées inondées à vous signaler. Le ring extérieur de Bruxelles à hauteur de Waterloo et la N25 Corbet-Nivelles, c'est à hauteur de Bouzeval. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Vous l'aviez promis, Stéphane. Mais oui. C'est ça le tube en puissance que nous écouterons dans quelques instants. Il est sympa, hein? Il est sympa, c'est vrai que c'est un tube, tout le monde le connaît. Ricci et Poveri, vous aimez la chanson italienne donc? En tout cas, je la connais. Enfin, ce genre de tube, on le connaît. C'est quoi votre tube de l'été préféré, par exemple? Mon tube de l'été préféré, il y en a plusieurs cet été. Là, tout de suite, vous me posez une colle. Je ne sais pas trop. Peut-être, certains de Major Lazer. Voilà, moi j'aime bien. Major Lazer. Okay, oui, voilà. Bien. Il y en a de nouveaux qui sont en train de sortir. C'est peut-être pas encore des tubes, mais ça va arriver, à mon avis. Oui, ça va arriver. Ok, on sent la fin de Major Lazer. Bon, tout à l'heure, l'info reviendra sur Vivacité. Vous reviendrez un petit peu plus tard, Justine. Ce sera le journal à 13h. Ne le manquez pas. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. L'album s'appelle VHS, c'est marrant ça. X Ambassadors était sur Vivacité avec Renegades. Un air de vacances sur Vivacité. Allez-vous être capable d'identifier un artiste à l'aide de 2 secondes d'une de ses chansons? Eh bien, c'est la question qu'on vous pose chaque jour afin de vous offrir un magnifique cadeau et ça se passe par SMS. Prenez votre GSM maintenant et préparez-vous à envoyer la bonne réponse au 6003. Ça vous coûte 75 centimes d'euros l'envoi de message. 6003, direction un endroit superbe, c'est Barvaux-sur-Ourthe et on vous invite à passer une journée inoubliable en famille au Labyrinthe. Et le thème de cette année 2016, eh bien, c'est Princesse et Dragon. C'est une région qui est magnifique. On vous envoie là-bas avec vos enfants, donc 2 adultes, 2 enfants. C'est Durbuy-Barvaux-sur-Ourthe au Labyrinthe 2016. Alors, si vous souhaitez y aller gratos, grâce à Vivacité, il va falloir trouver l'interprète mystère à l'aide de 2 secondes d'une de ses chansons. Les voici, 2 secondes. avez-vous trouvé? Oui, c'est pas si évident que ça. Si vous avez une idée de la bonne réponse, eh bien n'hésitez pas à participer en envoyant votre message maintenant au 60-03. Alors, c'est pas Tracy Chapman. On m'a proposé pas mal d'artistes. Hein. C'est pas Puggy non plus. Pas vraiment, non. C'est pas du tout, même. Donc voilà, de quel artiste s'agit-il? Si vous avez une idée, eh bien n'hésitez pas. Vous envoyez la bonne réponse au 60-03. On peut réécouter une deuxième fois, une dernière fois. Allez, vas-y. Voilà. Bonne chance à vous et à tout de suite, peut-être en direct sur Vivacité. On vous appelle. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'1 milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Prêt pour l'aventure? Bienvenue à Tiger World, la nouvelle création du zoo d'Amnéville. Pénétrez dans une mystérieuse caverne au cœur de la jungle. Entrez dans un univers fantastique où la poésie se mêle à la violence des éléments déchaînés, où un homme évolue en toute complicité parmi les tigres du Bengale. Tiger World, un spectacle époustouflant. Le zoo d'Amnéville, un des plus beaux d'Europe, entre Metz et Luxembourg, ouvert tous les jours. Et si vous preniez l'été du bon côté? Comment choisir le bon stage sportif pour votre enfant? Comment déterminer l'activité physique qui lui conviendra le mieux? Des questions et tant d'autres auxquelles le directeur du centre d'EPS de Mons répondra sur Vivacité dans l'été du bon côté dès 13h. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité avec Émilie de Kegel. Et retrouvez-nous aussi en images et en direct sur rtbf.be/ovio. Dans quelques instants, Vivacité a encore un air de vacances. Cinq secondes, ce n'est pas assez? Ce morceau en entier passe bientôt sur Vivacité. Un air de vacances sur Vivacité. Voici le moment que vous attendez tous, le moment du tube de l'été. Et là tout de suite, nous allons écouter Richie et Poveri avec Sara Perché Ti Amo. Formé en 1968, ce groupe italien décroche un premier succès en 1971. C'était Chez Sara, ou plutôt Che Sara, à mon avis, en italien c'est Che Sara, si si. Mais devra attendre 10 ans plus tard avant de connaître la consécration en 1980 avec cette chanson, donc Sara Perché Ti Amo. Elle leur permettra d'atteindre la 5e place du festival de San Remo. Et ils en vendront plus d'1 million d'exemplaires rien qu'en France, où d'ailleurs la chanteuse Karen Cheryl en a fait une relecture hein, sous le titre des Nouveaux Romantiques. Nous on va écouter l'original bien sûr sur Viva tout de suite. Voici Richie et Poveri et Sara Perché Ti Amo. Vorrei una birra e una pizza, ok? Et on se retrouve juste après. Et le clip est sur vivacité.be. Vous cliquez sur un air de vacances. Il est juste culte. Che confusione, sarà perché ti amo. È un'emozione che cresce piano piano. Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene. pas demandé pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerais tout pour être dans tes bras, dans tes bras. Et j'ai tenté de te haïr, mais la colère est partie. Les bons souvenirs l'emportent sur la haine et la rancœur. Sans se lancer un regard, je ne sais quoi dire quand on fait la remarque, notre entourage tente de nous raisonner, raisonner, je pense qu'il est temps de se retrouver. On avait carrément la casquette à l'envers avec Maître Gims et Sia, c'était Je te pardonne. Un air de vacances sur Vivacité. Et hop là, on la remet à l'endroit, la casquette, pour accueillir Caroline Gillet, qui est de retour. Vous êtes de retour, Caroline, pour la météo des plages et des vacances. Cap sur La Rochelle, nous sommes sur la façade atlantique de la France. Et oui, La Rochelle, le bord de mer donc, avec un petit vent sensible d'ouest. Aujourd'hui, on va avoir des orages dans l'après-midi avec 21 degrés. Mais déjà demain, on va récupérer un temps ensoleillé, même largement ensoleillé les jours suivants. En tout cas, jusqu'à mardi. Mercredi, on va faire une petite pause dans tout ce beau temps avec une journée plus grise et humide. Côté Mercure, je vous le disais, on part d'aujourd'hui avec 21 degrés pour monter graduellement jusqu'à 28 degrés lundi. Pour terminer, Janine et Marcel s'apprêtent à partir au bord de la mer Noire à Zonguldak. Vous connaissez l'endroit ? Non, j'avoue que je ne connaissais pas, j'ai dû faire quelques recherches pour Janine et Marcel. Ça m'a d'abord fait penser à un dessin animé des années 80, pas vous ? Alors, cap sur le nord de la Turquie, donc, vu la météo belge de ces derniers jours, vous avez bien raison, puisqu'on ne prévoit rien d'autre que du soleil et du ciel bleu à Zonguldak, 29 à 32 degrés avec une petite brise de mer, juste de quoi faire voltiger le pareo de Janine. Et ben, tous à Zonguldak alors, hein.

on se meurt de brute, où plus personne ne rigole. Je n'ai peur du ridicule que si l'on ne me trouve plus folle. Soyons malins, rusés et peut-être idéalistes. Maman disait que nos rêves parfois rien les réalise. Je veux rire, je veux crier haut et fort. Toutes mes conneries, mes délires, à tort ou à raison, on verra. Il n'en tient qu'à nous. Soyons forts, soyons fous et rien à foutre ce qu'ils pensent de nous. On me baïonne, on me teste, ou qu'on me laisse dire ce qui me plaît. On me pardonne. Avec nous sur Vivacité, c'était La Malice Scheim. Dans un instant, nous prendrons la direction de Lourdes avec le miracle de Julian Peretta. Mais avant cela, on vous appelle. Un air de vacances sur Vivacité. De 11h à 13h avec Stéphane Piedbeuf. Oui, car en jeu, un super cadeau, un pass familial pour une journée inoubliable au labyrinthe de Barvaux-sur-Ourthe avec les princesses et les dragons. Le thème de cette année, je compose tout de suite un numéro de téléphone. Quelqu'un qui a joué avec nous par SMS tout à l'heure. En espérant que ça décroche, bien sûr. Attention, ça sonne. C'est déjà bon signe. Maintenant, il faut que ça décroche. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Qui est à l'appareil ? Laura. Je vous entends de très très loin, Laura. Ah, oui. Ça va mieux comme ça ? Ah, beaucoup mieux, Laura. Bienvenue sur Vivacité. Vous êtes en direct, c'est Stéphane au bout du fil. Oui. Vous êtes dans quelle région ? Vous êtes dans quelle région, Laura ? À Serein, à Liège. À Liège, c'est ça ? À Serein ? Oui. On dit Serein ou Serein ? Serein ? À Serein, oui, c'est ça, ouais. Oui. Il n'y a pas beaucoup de réseaux à Serein, à Serein. Oui, non, apparemment, non. c'est la pluie. Ah oui, oui, c'est la pluie. Ah, je ne savais pas que la pluie empêchait le réseau de passer. Bon, alors, est-ce que vous avez identifié l'artiste que l'on recherche à partir des deux secondes que l'on vous a diffusé, Laura ? Oui, donc c'était Jacques Pelle. Mais oui. Ne me quitte pas. Mais oui, on va vérifier ça. Et ça me semble être bon. Effectivement, c'est une excellente réponse et une excellente chanson aussi. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et bah c'est gagné, Laura. Perdu. Bah oui, super. Qui vous accompagnera là-bas à Barvaux-sur-Ourthe? Oh bon, on va y aller en famille avec ma nièce. Votre nièce. Bon, il y a quatre places. Enfin, il y a deux adultes, deux enfants. Donc, vous, vous choisissez, hein, bien sûr. Oh, oui. Vous partez en vacances cet été? C'est déjà fait? C'est pas encore à l'ordre du jour? Je pars pas cette année. Non, non. Pas cette année. Bon. Non, pas cette année. Ce sera l'occasion de vous évader alors, pas loin de chez vous, à Barvaux-sur-Ourthe. À bientôt. Oui, merci. Merci d'écouter Vivacité. Au revoir. Merci, bonne journée. Au revoir. La 2 en télé. Ruben est resté jeune. C'est en compagnie d'amis humoristes qu'il présente son dernier spectacle. Moi, je roule en 4x4, je nique la couche d'ozone, mais à côté de ça, je consomme bio. Ruben fête ses 25 ans sur scène ce jeudi soir sur la 2. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Installée au centre de Tilf depuis plus de 40 ans, la Maison Perret vous offre des articles ménagers, de décoration, ainsi qu'en quincaillerie. Retrouvez nos articles sur localisi.com. Le commerce autrement, localisi.com. Localisi.com. Jusqu'à 13h sur Vivacité, un air de vacances avec Stéphane Piedbeuf. Turn brown, I watched it burn across the sun and above the clouds. The sirens clear, I'm ready to fall and find a lover that was meant for me. When the wolves run wild, I see myself, but you won't take this road I go down. The nights grow cold, the flame goes out, living forever in our ghost town. En vacances aujourd'hui, et comme prévu, c'est Marca qui est avec nous. Bonjour Marca. Bonjour. Alors, ça a été les vacances, il paraît que vous êtes déjà rentré, déjà bien bronzé. Oui, moi je suis rentré, c'est fini. Mais de toute façon, le métier que je fais est un métier qui m'amène beaucoup de temps libre, et le temps libre, c'est égal vacances un petit peu aussi. J'ai choisi ce métier-là, entre autres pour ça, je crois, parce que c'est un métier qui fait qu'on a du temps pour penser à autre chose et pour se libérer l'esprit. Et votre métier, c'est la chanson. Et justement, quelle est la chanson qui, pour vous, représente le mieux l'été ? la chanson qui représente. Vous savez, chaque année, il y en a une, hein, au moins. moi, on va parler d'un esprit, c'est le côté festif et ensoleillé. Je dirais peut-être si Sex and Son de Gainsbourg. Voilà, c'est elle qui m'arrive en premier lieu. Pourquoi ? Parce que je devais avoir 16 ans à l'époque. J'étais allé à la Côte d'Azur et les paroles me troublaient. Ou 14 ans, je ne sais plus, 14 ans, je crois. Les paroles me troublaient. Et voilà, c'est resté comme une, vraiment une chanson de l'été pour moi, comme un premier grand flash de l'été. Quel était votre meilleur souvenir de vacances ? Mon meilleur souvenir de vacances est à venir. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est une bonne philosophie. Êtes-vous plutôt camping ou hôtel ? Personnellement, je serais plutôt camping, avec de temps en temps un petit retour à l'hôtel. Mm-hmm. Mais mon épouse n'est pas dans ce style-là, donc voilà. C'est quelque chose que je pratique, mais alors tout seul. Piscine. Ou avec un ami. Piscine, mer ou montagne ? Piscine, mer ou montagne ? Mer, par le fait que j'y étais plus qu'à mon tour. Mais je crois qu'il y a encore un aspect que je devrais vraiment développer, c'est la montagne en été. Je ne l'ai jamais fait, je ne sais pas pourquoi je le reporte toujours. Mais j'ai encore vu la fois passée des photos d'une espèce de piscine naturelle du côté des marécottes dans le Valais suisse. Et je me suis dit, ah, faudrait quand même une fois que je me tape ça. Et alors, vous savez, ce qui serait chouette, c'est de mélanger le fait d'être en vacances en montagne avec le soleil et une étape du Tour de France. Alors là, je suis vraiment aux anges. Au paradis, quoi. Ouais. Ah, et d'ailleurs, vous pratiquez le vélo, hein, je pense vous avoir croisé sur une étape du beau vélo de Ravel, tiens. Oui, sur une étape du beau vélo de Ravel. Et puis surtout, ce que j'aime bien comme vacances, parce que vous m'avez pas vraiment laissé le choix en me disant camping ou hôtel. Mais ce qui est chouette aussi, et je le fais depuis quelques années, ce sont des semaines ou des fins de semaine à vélo avec des copains. Et alors là, on va donc dans des hôtels, mais on va d'une ville à l'autre, par les champs, par les montagnes, par les lacs et tout. Et on se fait des trips comme ça. Et ça, je dois bien dire que c'est vachement beau, c'est vachement bien, parce qu'on se vide bien l'esprit, on se vide physiquement aussi, on se crève physiquement. Et on voit de belles choses. Et c'est une autre manière de découvrir une région, un pays. Quelle est la météo idéale pour vos vacances ? La météo, ben ça dépend de l'endroit où tu vas. Ouais, s'il y avait un idéal, ouais, pour la Belgique, ça c'est un peu compliqué. Hein. Voilà, parce que si on va un peu trop vers le gris, ben il pleut et ça nous rappelle trop le mois de juin et début juillet qu'on a eu qui était horrible. Et puis si on va un peu trop vers le soleil claquant, on en est tous à souffrir pendant les 2-3 jours annuels qu'on a, hein, parfois 5. Avez-vous un apéro ou un cocktail préféré ? Non. Votre plat préféré non, de l'été ? Le plat préféré de l'été, ben, c'est tout ce qui est lié aux fruits et aux salades. Ouais. Et la glace, vous en mangez de temps en temps une en famille ? De la glace, est-ce que je mange plus de la glace en été que... Oui, parce que je crois qu'il y a certains glaciers qui sont fermés en hiver, alors oui. Moi, je ne suis pas un grand fan de glace, non. D'accord. Dans quel endroit vous sentez-vous en vacances, mais cette fois chez nous, en Belgique ? Alors, ben, encore une fois, justement, quand c'est lié à des déplacements en vélo, comme justement ce week-end du côté de la province de Liège, en gros, on va dire. Mm-hmm. Mais ça peut être le plateau des Hautes-Fagnes, comme ça peut être justement Henri-Chapelle, où je suis passé ce week-end avec le beau vélo de Ravel, et on a eu un paysage magnifique avec une profondeur et une immensité que je ne connaissais pas à la Belgique. Oui, donc plutôt ce coin-là, la province de Liège et de Luxembourg, et de Namur aussi. D'ailleurs, il y a eu un album, et vous aviez à l'époque, il n'y a pas tellement longtemps, déclaré votre amour pour la ville de Liège. Ben oui, j'ai fait un album à Liège, donc je l'ai appelé Made in Liège, mais c'était pas Marca qui était Made in Liège, parce que moi je suis Made in Brussels. Ouais. Mais oui, ça... Vous savez, vous retenez les bons souvenirs, et les bons souvenirs de ma carrière de chanteur sont de ce côté-là de la Belgique. J'ai beaucoup plus de succès et de fans du côté de Liège, de Namur, de la province du Luxembourg, que Tournai ou Mons, par exemple, où je suis, pour ainsi dire, inconnu, quoi. Quand j'y vais, j'ai l'impression chaque fois de recommencer à zéro mon métier. Voilà. Quelle est votre station balnéaire préférée chez nous en Belgique ? À préférer, je crois que pour le look, j'aime bien Blankenberg. Avec le pire et l'estacade et certains bâtiments. Oui. Alors, il y a beaucoup de gens qui trouvent que les buildings en enfilade, c'est horrible. Je suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que ça a quand même... Alors, du coup, on aurait pu les mettre derrière les dunes et tout, mais je sais pas, moi, je trouve ça finalement un certain charme. Je connais ça depuis que je suis tout petit. C'était la station où j'allais quand j'étais gamin. Et c'était vraiment une station très bruxelloise. On rencontrait les gens du quartier là-bas, ce qui était assez débile finalement, parce que c'est un petit peu comme si on partait pour en vacances. Ouais. Mais non, je trouve ça... Et ce que je trouve bien avec ces trucs-là, c'est que mine de rien, ça a donné l'opportunité à plein de gens d'aller à la mer, parce que si on garde, en effet, le coq est beaucoup plus joli, mais le coq, ce sont des grosses maisons, et qui peut se payer des vacances et louer dans une grosse maison, ça, c'est relativement peu de monde, donc je trouve que le côté de Blankenberg a un charme, on va dire, social. Allez, c'est bientôt la rentrée. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'on va vous voir sur scène prochainement? J'ai un gros concert ici qui s'annonce le 28 août. Oui. Avec des invités, un concert qui aura lieu à Liège pour la fête des solidarités. Et c'est un concert que je vais rendre particulier par le fait que j'invite des Bruxellois. J'invite Marie Warnant, j'invite Acro, wow. J'invite Romeo Elvis, qui est un rappeur qui monte. Et je reforme le temps d'une soirée un groupe qui s'appelle Allez Allez, dans lequel je jouais de la basse à l'époque de mes 20 ans. Est-ce que vous jouerez la poupée barbue? Je jouerai bien sûr la poupée barbue. Ah bah c'est magnifique, alors on sera là. Bon, le 28 à Liège, où ça précisément pour la fête des non, solidarités? Non, c'est pas Liège, c'est à Namur. À Namur. C'est à Namur. À Namur. Il faut, okay. Il faut que tu corriges directement. À Namur, à la Citadelle. Donc le 28, vous serez à la Citadelle de Namur pour la fête des solidarités avec tous ces invités. On prend rendez-vous bien sûr, et puis votre site internet qui est magnifique, hein, vous le tenez très très à jour, et vous êtes assez présent aussi sur les réseaux sociaux. Il suffit de taper Marca et on vous trouve facilement. Voilà, et à partir de novembre, ça c'est un peu plus loin, mais il y a une tournée acoustique qui va passer par une douzaine de villes encore. On pourra en reparler à ce moment-là. Eh ben, le rendez-vous est pris, vous êtes toujours le bienvenu sur Vivacité. Merci Marca. Et puis bon, bonne rentrée à vous, puisque les vacances c'est un peu terminé. Bonnes vacances à ceux qui partent en vacances alors. temps de midi à la cool avec Jimmy Cliff sur Vivacité, c'était I Can See Clearly Now. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Et comme chaque jour à 7h-ci, eh bien nous consacrons une séquence au beau vélo de Ravel qui sera ce samedi à Boussu-Colfontaine pour vous proposer une balade à vélo de 32 km. Et pour cela, nous accueillons Adrien Jovenot. Vous nous parlez de quoi aujourd'hui, Adrien ? Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Mercredi, on parle tourisme, on parle attraction touristique avec 365.be. Et ce week-end, du côté de Boussu-Colfontaine, nous allons vous présenter le Max. C'est normal, à Grand Tournu, ils vont jouer à domicile. Mickaël Mercier, bonjour. Bonjour Adrien. On peut rappeler en deux mots, le Max, c'est... C'est un musée d'art contemporain qui est situé sur Grand Tournu, qui est un des musées qui est labellisé patrimoine UNESCO ensemble avec l'écomusée du Bois du Luc, la mine de Bleuny et le Bois du Casier. C'est le patrimoine industriel qui a été classé dernièrement à l'UNESCO, donc c'est un bâtiment qui est vraiment exceptionnel. Oui, à découvrir. Hein. On aura d'ailleurs le village Ravel à l'intérieur du site du Grand Tournu, c'est de toute beauté. Quelles sont les animations qui seront proposées sur place ? Alors, la première, donc, elle va être proposée autour de la thématique du corps, où il va falloir garder la posture. Alors, en fait, c'est une animation qui est adaptée pour les enfants de 4 à 8 ans, et on propose de revisiter le jeu 1, 2, 3 soleil. Donc, on demande aux enfants de prendre une posture un peu originale et de la tenir pendant une minute. Et pendant ce temps, ils vont être à l'écoute de leur corps, de leurs sensations, puis on les prendra en photo et on leur enverra en petits souvenirs. Donc c'est une animation originale. Ensuite, il y en aura une deuxième qui sera proposée autour du travail d'un designer qui s'appelle Aldo Baker. Et l'animation s'appellera Verser, Inverser, Renverser. En fait, c'est un designer qui travaille des pièces et qui fait tout un travail sur des becs verseurs, donc tous des contenants qui permettent de verser des liquides. Et ici, on va à notre tour pouvoir verser des liquides de façon originale, parfois tout à fait un peu loufoque. On pourra même se mouiller. Ce sera vraiment une animation sympathique. Rafraîchissante, en tout cas. Exactement. C'est très, très bien. Et je me réjouis de vivre tout cela avec l'animateur de Matière Grise, Patrice Goldberg, qui sera sur mon tandem. Ça tombe bien, puisqu'on passera aussi par le parc d'aventures scientifiques, hein, qui n'est pas très loin. On y fera un petit crochet lors de cette balade d'une trentaine de kilomètres à travers le Borinage. Et à l'arrivée, nous aurons un double concert avec Mister Cover et Vianney. Merci Mickaël Mercier. Merci Adrien. Bon préparatif et rendez-vous samedi 6 août à Boussu-Colfontaine. Le rendez-vous est pris, Adrien, et si vous êtes intéressé par l'événement, n'hésitez pas à vous rendre sur vivacité.be pour vous préinscrire au beau vélo de Ravel. Vous y trouverez également toutes les infos pratiques sur toutes les étapes du beau vélo. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. De 13h à 15h, prenez l'été du bon côté sur Vivacité. Comment redevenir la maîtresse de notre homme ? C'est ce que nous avons vu ce mardi dans l'été du bon côté avec Christelle Gilquin du magazine Femmes d'aujourd'hui. Rendez-vous dès maintenant sur notre site internet pour écouter l'émission. Vivacité, ma radio complicité. Aussi sur rtbf.be/ovio. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain ? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... Vivacité vous invite à l'avant-première de Jason Bourne. Bon sang, c'est Jason Bourne. Matt Damon revient dans un trailer à couper le souffle. Il faut l'éliminer. Pour y assister le 8 août à Bruxelles et Mons, 0905 56 475. 50 cents par appel. La prochaine balle est pour vous. Vivacité présente, en partenariat avec Engie Electrabel, le beau vélo de Ravel. Rendez-vous samedi sur le site du Grand Ornu pour une balade familiale dans le Borinage. De ce joyau, classé au patrimoine mondial de l'humanité, nous filerons à travers les terris vers Colfontaine et l'écrin de verdure du château de Boussu. À l'arrivée, concert gratuit de Vianney. Avec le soutien de la Wallonie. En forme pour préparer le beau vélo de Ravel avec Engie Electrabel. Jusqu'à 13h, Vivacité en air de vacances. avec Émilie de Kegel qui vient d'entrer dans le studio. Elle vous accompagnera tout à l'heure jusqu'à 15h pour l'été du bon côté. Ça va, Émilie ? Ça va bien. Bon, alors, votre mission hier, c'était de trouver les top 3 estivales du Groenland. Hein, oui, c'est ça. Le Groenland. Il y a souvent des dépressions météorologiques au Groenland. Oui, et des dépressifs aussi, je pense. Je ne sais pas. Ça, j'ai déjà mis un pied au Groenland. Mais ça va peut-être changer. Bon, mais d'abord c'est mon tour. Hein, parce que vous, oui, vous chacun emmenez son au tour. Groenland. Et devinez dans quel pays je vais emmener les auditeurs. L'Espagne. Non, beaucoup moins loin. Ah, le Luxembourg. Encore moins loin. La France. Moins loin que ça. Bah ici. Ouais, ici. D'accord. Ouais, je me suis dit, pour une fois, on ne l'a jamais fait finalement. Finalement. Prenons le classement du Tip Top et faisons le top 3. Hein, ah, bien sûr. Il y en a qui n'étaient pas là samedi. Et le troisième du Tip Top, la troisième, s'appelle Adèle. Le Tip Top que vous retrouvez chaque samedi pour le classement complet entre 10h30 et 13h, mais également tous les jours, la quotidienne, entre 19 et 20h. Deuxième, c'est Amir. Et le numéro 1 du Tip Top Vivacité, c'est Justin Timberlake. Alors, je sais pas si je sens mauvais aujourd'hui, Émilie, il faut le dire, parce qu'il y a une mouche dans ce studio depuis une heure, qui n'arrête pas de tourner autour. Non, mais rassurez-vous, elle est là depuis 3 jours. Ah, j'ai l'impression qu'elle me prend pour un caca depuis une heure, vous voyez. Ah, c'est vous qui le dites. Voilà. Le Groenland. Oui, alors avant toute chose, on va se mettre dans l'ambiance. Trois Esquimaux autour d'un brasero. Voilà. Ça, c'est fait. Ça rappelle les scouts, hein. Ça rappelle les scouts. Alors, je vous emmène, je vous l'ai promis, au Groenland. Oui. Avec ceci. C'est qui ? Alors, c'est un groupe qui s'appelle Groenland Band. Qui est originaire non pas du Groenland mais du Montréal. Ah oui. Voilà, un groupe que j'ai découvert en faisant ces petites recherches parce que c'était juste impossible de trouver le top 3 des musiques écoutées au Groenland. Donc voilà, et c'est un groupe que j'ai découvert que en quelques instants j'ai adoré et ça tombe bien parce qu'ils sortent un nouvel album au mois de septembre. Ah bah c'est voilà, donc ça s'appelle Groenland Band. Voilà, exactement. Mais bon, comme on va quand même rester dans les sphères un petit peu bien fraîches, ouais, et juste histoire de se remémorer quelques bons souvenirs dans les oreilles, il y a aussi ceci. Ça, c'est une chanteuse du Cru, par contre. Du Groenland, qui a fait l'Eurovision, certainement. Non, c'est plutôt l'Islande. On est en Islande, elle est originaire de Reykjavik. Une star dans les années 90, début des années 2000, c'est Björk. Ah oui, Björk, bien sûr. Avec Bachelorette. Voilà, donc c'était un petit clin d'œil. Voilà. C'est sympa. Défi à moitié réussi, j'ai envie de dire. Oui, bon, allez, aujourd'hui c'est 7 sur 10. Mais bon, vous n'avez eu que des 10 sur 10 jusqu'à présent. Voilà. Ça ne va pas changer la moyenne, Émilie. Demain, j'ai envie de vous proposer de nous sortir le top 3 Made in Taïwan. Hein, Made in Taïwan les bains, comme dirait l'autre. Taïwan les bains, Taïwan. Eh bien, parfait. Vous survivrez ? Je te survivrai. Ben évidemment, pensez bien. Oui, non, je voulais mettre Gloria Gaynor. On aurait pu mettre Je te survivrai. Ah hein. Oui. Hein, j'aurais préféré. Enfin, I Will Survive. I Will Survive, c'est mieux. C'est mieux. Hein. Exactement. Voilà, allez, ambiance buvette de football. Et puis, on vous retrouvera bien sûr, Émilie. Et juste avant, ce sera la météo. Then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known. Marseillais, c'est la fête. Et 1, et 2, et 3, 0. Et l'été du bon côté, d'ailleurs, ce sera sportif. Ce sera sportif. Comment bien choisir son sport pour nous en tant qu'adultes et surtout pour les enfants? On aura l'occasion d'en parler avec notre invité Fabien qui nous vient directement de l'ADEPS. Donc on va vraiment parler de sport. Impeccable. Mais avant cela, parlons météo avec la pluie et Caroline Gillet. La Chimay dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bière et fromage depuis 1876. Très belle journée à tous. Les averses se font graduellement plus intenses avant de se calmer en seconde partie d'après-midi. Sur le nord, on aura un temps plus sec, voire peut-être un petit rayon de soleil du côté du littoral. Le vent est sensible, le mercure va de 18 à 21 degrés aujourd'hui. Ce soir et cette nuit, les pluies vont perdre en intensité tout de même. Le temps va redevenir sec sur les Flandres. Ailleurs, on va garder des nuages nombreux, peut-être encore une petite ondée par endroit. Les minima iront de 13 à 16 degrés. Demain, la situation s'améliore tout de même avec un temps généralement plus clair et plus sec. On aura davantage de nuages sur le sud du Sillon Sambre et Meuse. Une petite averse encore possible du côté de la Lorraine belge. Plus à l'ouest, on aura davantage d'éclaircies. Les températures iront de 16 à 21 degrés. RTBF Ovio, c'est ma toute nouvelle plateforme digitale audio et vidéo. RTBF Ovio, c'est facile. C'est une foule de contenus accessibles où, quand et comme je veux. Sur ma tablette, mon smartphone ou mon ordi. rtbf.be/ovio. A-U-V-I-O. RTBF Ovio, libérez vos envies. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Vivacité les 13h. La planète se réchauffe, c'est difficile à croire vu de Belgique où l'été est un peu pourri et où le thermomètre n'affiche pas plus de 18 degrés en ce moment. Mais vu de plus haut, ça ne fait aucun doute. Les 6 premiers mois de 2016 sont même les plus chauds qu'on ait jamais connus. Et ce climat a des conséquences graves à certains endroits de la planète. On pense aux incendies bien sûr, on pense aussi au dégel du permafrost. Il libère des bactéries particulièrement dangereuses en Sibérie. Des coffres forcés, des pare-brise saccagé, 70 voitures viennent d'être vandalisées en une nuit à Charleroi sur le parking, pourtant protégé d'un hôtel près de l'aéroport. Les clients étaient parfois en vacances. Et puis du foot ce soir, Anderlecht reçoit Roscoff et ça compte pour la Ligue des Champions. Le journal de 13h avec vous, Manu Delporte. Bonjour. Bonjour Émilie, bonjour à tous.